Bonjour, je voulais aller répondre aujourd'hui à des commentaires sur les dernières vidéos, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, bon, là, qu'est-ce que je viens de voir? Bon, on va parler un peu d'actualité, au moins, quand je parle de ça, bon, on me fait moins de reproches. Donc, bon, l'actualité. Ben là, moi, ce que je constate, c'est que là, comme là, on voit. Bon, Monsieur Duhem, il est parti en peur, là. Ben, parti en peur. Il est en croisade contre les affaires de drag queen que nous, ici en région, bon, c'est des affaires de grand centre, ça. Mais là, par contre, ce qu'il y a eu pendant 2 ans, même proche 3 ans, mais pendant 2 ans à Saint-Anse, que bon, en France, c'était avec du Rivotril, mais au Québec, au Canada, c'était avec des opiacés, ce qui s'est passé dans les CHSLD, qui a eu près de 7 000 morts, des gens qui ont été achevés, là. Puis même, il y en a qui sont décédés d'inanition, ce que je considère comme des homicides par négligence criminelle. Bon, ben, ça, on n'en parle plus. Monsieur Duhem, il est en croisade contre les drag queens. Puis, il n'y en a pas, là, d'opposition, on n'a jamais eu. D'ailleurs, là, l'affaire qui se passe avec la CAQ, qui vont se remonter leur salaire, puis les députés, ils vont se faire payer, ils vont se faire augmenter leur salaire. Bon, ben, c'est quoi ça? Ils sont récompensés de ne pas avoir été une opposition, ils sont récompensés de ne pas avoir fait leur job. Moi, je l'y vois, je considère ça un peu comme de la corruption, là. Puis, non, on parle, là encore, des niaiseries. Donc, tout se déroule comme prévu, ça continue. Ça continue. Mais là, qu'on me fasse pas croire que c'est pas des diversions, ça. Que c'est pas des diversions. Il y a un paquet de choses qui se passent en ce moment. Même, il y a des spécialistes en Angleterre qui disent qu'il y a plusieurs milliers de citoyens britanniques qui vont mourir. On sait pas pourquoi. On sait pas de quoi. OK. Non, non, nous autres, on parle des drag queens. Encore ça. Encore ça. C'est une diversion. C'est l'évidence même. Puis là, on m'a reproché dernièrement. Bon, moi, j'aurais envoyé chier tous les lanceurs d'alerte du Québec. Là, on va mettre de quoi au clair. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui fait partie d'une structure, puis qui fait une sortie dans le public pour avertir le public, puis protéger le public. Comme celle-là qu'il y avait aux États-Unis, la NSA, puis des affaires de même. C'est ça un lanceur d'alerte. Moi, je suis pas un lanceur d'alerte. Mais au Québec, on a des lanceurs d'alerte qui sont autoproclamés, puis ils ont garroché le public. Ils ont servi à détourner l'énergie, puis à les envoyer dans des affaires de même. Parce que, souvenez-vous, les mêmes lanceurs d'alerte qui vous ont dit de rentrer dans le parti à Duhem, que par après sont allés, immédiatement après sont allés le traiter de traître. Là, tout d'un coup, c'était de l'opération contre, c'était de l'opposition contrôlée. Éric Duhem. Moi, je vous rappelle qu'il y a eu de la maltraitance dans les 3 dernières années, des aînés et des enfants. Autrement plus grave que de l'heure du compte. Okay, ici, il n'y en a pas d'heure du compte. Par contre, du monde qui sont crevés dans les CHSLD, puis du monde qui ont été traités d'une façon qui n'a aucun sens, qui n'a aucune logique, puis des suicides, puis des affaires de même, puis des faillites, ça, on en a eu en région. Puis moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait peser. Là, il y en a, par contre, qui font de meilleurs jobs un peu. C'est-à-dire, bon, il y a réinfo, je sais plus trop, là. Il y a aussi une commission d'enquête citoyenne. Le studio là-dessus, sont pas pires. Ils relaient l'information, même si ça bifurque un peu, eux autres aussi. Moi, je trouve. Je trouve. Puis de toute façon, moi, je suis pas là pour faire du poids d'un bord ou de l'autre. Je pense que ça va continuer à se dérouler comme ça a été voulu puis prévu par certaines personnes qu'on connaît pas. Oh, ben ça. Prenez Éric Duhem, il a commandé où ça? Là, il a fait un sondage. Il a fait faire un sondage, savoir les Québécois ils pensent quoi de ça à l'heure du compte. C'est vraiment sur ça qu'il faut faire des sondages, pas sur les années de certaines choses là, qui sont à. Non, non. sur ces niaiseries-là. Puis, il a commandé haut son sondage, léger, léger marketing. La maison de sondage, que tant qu'à moi, qui est un peu liée à la CAQ, puis qui est liée à Québécois, puis bon. Puis, je veux dire, les médias sont un peu. C'est un peu la Pravda de la CAQ, là, de la façon qu'ils agissent. Québécois, puis c'est toute main dans la main. Puis il y en a, c'est peu importe le parti, peu importe les partis, c'est tout du pareil au même. C'est comme la lutte dans des sous-sols d'église. Après, les ceux qui sont supposément ennemis, ils vont manger un hot dog ensemble. C'est tout des chums. Puis là, c'est sûr, comme là, vous avez Québec solidaire, que j'ai tout le temps appelé Québec solidaire, mais bon. Québec solidaire, eux autres, ils ont dit, ah, vous autres, acceptez-vous ça, là, les hausses qu'ils vont... des salaires des députés, puis des... Puis du... On va en discuter en caucus. Ben oui, mais... Moi, je vous le dis, c'est toute de la gamine qui sont toutes chums. Je suis sûr de mon affaire, parce que ça a tout le temps été comme ça. C'est l'histoire du monde. Donc, bon... Là, c'est bien beau l'affaire, là, les combattre l'idéologie woke, pis, mais en attendant, il y a proche de 7000 personnes qui sont décédées de maltraitance. Puis, sans parler des enfants qui ont perdu, moi, je considère qu'ils ont perdu 2 ans de leur vie, de la maltraitance institutionnalisée. C'était rendu complètement à tous les niveaux de la société. Si on n'en parle plus, ben non. C'est encore bon. Fait que c'est ça. C'est ça. Là, après ça, on va me faire le reproche que je trouve que les gens sont naïfs. Puis on va me faire à cœur que l'autre qui nous parle des drag queens, là, le masturbateur en chef, il parlait Barbada, le masturbateur en chef. Puis que bon, ça c'est un lanceur d'alerte, ça. De quelle structure il faisait partie pour avoir un piquet l'information qui est amenée dans le public en tant qu'alerteur pour qu'on puisse dire ça. C'est pas des lanceurs d'alerte. C'est du monde qui font un métier d'aide de l'opposition, si on peut dire. C'est ça que c'est. Puis bon, je dis pas qu'ils n'ont pas juste des défauts, là. Ça peut servir, mais c'est parce que c'est des pièges, ces affaires-là. Là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Là, il y en a, par contre, qui continuent à appuyer sur les dernières années, ce qu'on vient de vivre, puis tout ce qui était, au fond, dans le fond, anticonstitutionnel. Puis, vous avez vu, là, ils ont envoyé, je pense que c'est des policiers de la SQ, ils ont envoyé à Valcartier se pratiquer. Se pratiquer par rapport à des foules hostiles. Regardez ce qui se passe en France. Moi, je trouve que nos médias n'en parlent pas bien, bien. Quand que ça va être ici, ben là, il faut pas que ça marche aussi facilement que là-bas. Il faut moins embarquer dans les panneaux. Donc, restons calmes. Puis, dramatisons pas. Parce que ils en veulent des manifestations, puis ils en veulent, ils vont envoyer leurs agents pour mettre le feu, puis péter des vitrines, puis bon. Ils en veulent de la violence. Ne la donnons pas, parce que là, c'est moins le temps, là, de toute façon. Puis, non, c'est des questions aussi de stratégie, puis c'est de la guerre, hein? C'est de la guerre, dans le fond. Ben oui. Là, ça va au-delà de comment ça avait été défini avant, mais il va falloir être... Donc, faites vos affaires, puis cassez-vous pas trop la tête, puis bon. Puis oui, mais il y a moyen d'une façon stratégique de manifester son désaccord, mais il y a déjà des structures pour ça. Donc, ceux qui aiment ça, écrire à leurs députés, lâcher les pas, puis demander des réponses. Ceux que ça leur tente, moi ça me tente plus, là. J'y ai écrit 5 lettres à mes députés. Ça va faire à un moment donné. Puis ça, c'est quand ça avait commencé, là. Puis j'ai des lettres, j'y prédisais un peu tout ce qui allait arriver. Puis non, j'ai jamais eu trop eu de réponse, puis j'en attends pas non plus. D'ailleurs, moi, la dernière fois que je me suis adressé à eux autres, je vais parler, j'ai écrit, c'est par courriel, c'était à sa secrétaire, puis j'ai plus confiance en cette femme. Donc, pas la peine de me répondre, là, c'est pas nécessaire, là. Je sais que c'est une personne occupée, ils sont imprécieux, là. On va pas se déranger. Mais il y en a qui vont l'avoir là. Ils vont l'avoir, la possibilité de peut-être. Mais je parle, les structures sont déjà en place pour mener ce genre de guerre-là. Là, il ne faut pas embarquer puis pas être naïf, c'est justement pas que ça finisse comme c'est en train de réussir puis de fonctionner en France, là. De toute façon, ça va mal finir. Autant pour la classe qui a été choisie comme exécutante que pour les gens en général. Là, c'est sûr que bon, je passe pour méchant. Je passe pour méchant. Non, je me souviens d'avoir dit, ben là, c'était peut-être pas une bonne idée de retourner vivre en Europe, vu ce qui s'en vient dans les prochains mois. Puis dit, ben là, c'est parce que tu pourrais y laisser beaucoup d'énergie au niveau de la santé, puis après, ça va être la dépression. Puis... Mais finalement, quand certaines choses que je dis comme ça se réalisent, c'est pas de ma faute, là. Moi, j'essaie d'éviter ça le plus possible de... Bon, mais tout est prévisible tout le temps, dans le fond. Donc, bon, c'est ce que j'avais à dire, là. Mais il reste que je regarde aller ça, là. Puis, ce qu'on a en ce moment, là, aux nouvelles, là, bon, là, oui, la CAQ, elle descend des sondages. Pourquoi qu'elle descend des sondages? Parce que c'est la logique, dans un monde normal, elle descendrait des sondages. Donc, ils nous la descendent des sondages. Mais les maisons de sondage réelles, hein? La maison de sondage scientifique, ceux qui se souviennent de Gilles Proulx, dans le temps du Journal du Midi, la maison de sondage scientifique. Ben, comment ça se fait qu'Éric Duhaime, quand il commande un sondage, il commande ça à léger, léger marketing? Et vu le rôle qu'ils ont joué dans les dernières années, puis les liens avec Québécois, puis les liens de Québécois avec la CAQ, puis les liens des médias avec le monde politique, M. Mulroney qui siège au Conseil de Québécois, puis les liens avec les anciens leaders étudiants, puis certaines firmes, les hauts bureaux Blouin, Astor, ils travaillent pour McKinsey, puis bon, ça, les médias, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, mais c'est du théâtre d'été. C'est du théâtre d'été. Donc, c'est juste de ne pas être dupe, puis de regarder ça pour ce que c'est. Puis là, je sais plus trop. Il y a une vidéo, je pense, que ça doit être une de celles que j'ai enlevées. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait mis en commentaire. Soporifique, c'est soporifique. Mais là, j'ai-tu l'air d'une chaîne de divertissement? Si vous voulez vous divertir, là, il y a la conjointe de Bob l'Éponge, là, Gloria Charleston, là, qui fait du true crime, puis il y a des affaires de même. Il y a Gurki, là, qui fait des recettes avec de la pâte à dents, puis là, les Français, là, il y a Squeezie, là, puis ces affaires-là. Si c'est du divertissement, quel monde veut, divertissez-vous, venez pas me voir. Moi, c'est pas. J'ai jamais eu la prétention d'être un divertissement. Ouais. Divertissement, c'est de la. Diversion aussi, quelque part. Si vous voulez vous divertir, c'est sûr, vous allez me trouver soporifique. Dans le sens du divertissement, pas dans le sens général. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis, bon, je verrai là, cette semaine là, si je vais répondre à des commentaires. Mais là, comme je vous dis, aujourd'hui, c'était. J'ai manqué de temps. Je voulais le faire, puis finalement, ça n'a pas donné. Puis là, ah, il a osé changer, il efface ses vidéos à mesure. Fait qu'il faut les pogner quand c'est le temps. Parce que si vous n'êtes pas abonné, je pense qu'il est mis privé. Mais les trois dernières, je pense que je les ai pognées, là. Mais quand c'était que ça brassait, puis tout, je n'étais pas allé voir. J'ai dû en manquer. Puis j'ose pas m'abonner. J'ose pas m'abonner à personne parce que je veux pas que ça influence le monde. Puis bon. Mais bon, j'ai remarqué ça, là, on aurait dit qu'il avait effacé toutes ses vidéos, mais je pense parce qu'ils ont mis privé. Mais bon, quand même, des fois, c'est intéressant. Des fois, il en sort des pas pires. Puis là, pour ce qui est du reste, là, mais je veux dire, bon, si on regarde ce qui se passe là, en ce moment, ben, Moi, je considère que toutes ces histoires-là d'idéologie LGBT, puis bla, c'est vraiment une diversion. C'est des tactiques de guerre psychologique, puis que il faudrait pas oublier. Moi, je considère que c'est pas normal que les médias ils parlent pas. Ils parlent plus du fait que les gens, les personnes âgées qui ont enlevé la vitamine D, qui ont été achevées avec des opioïdes et qui ont reçu des soins palliatifs que ça ressemble à de l'eugénisme, là. Ça ressemble à de la purge. Donc, bon, désolé, mais là, ça devrait être ça, là, qui fait que le go est dans l'eau chaude, pas une histoire de troisième lien qu'on se doutait qu'il ferait jamais. Puis aussi le fait, bon, là, il hausse les salaires des députés. Moi, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas d'opposition, puis ils récompensent tout le monde. C'est ça qu'ils font. Moi, je le vois de même. Puis bon, s'il y en a qui me trouvent. Bon. Hein? On va pas changer pour ça, là. Bon. Fait que ça va rester comme ça. Puis, moi, je l'avais dit, c'est sûr, plus ça va aller, peut-être plus je vais avoir. Si vous m'avez trouvé méchant par le passé, attention. Ben, je le sais que je suis pas quelqu'un de méchant. Mais plus ça va, puis plus c'est lourd de conséquences, là, le manque de discernement, puis ce qu'on voit, comment la masse vers où ça va, c'est rendu qu'être individué, c'est être d'une autre civilisation. C'est quasiment être d'une autre race mentale, là. Donc, bon, ben, perdez pas le moral, parce que c'est une guerre qui est, entre autres, sur ce terrain-là. Donc, faut rester en santé. Faut rester en santé, faut rester vif, puis faut garder le moral, puis pas se laisser avoir, dans le sens que pas se laisser embarquer dans rien. Puis je l'ai vu quand il y a des choses là, que je veux amener, là, puis que je suis sur le bord de faire, puis tout, ça s'essaye. Il y a toutes sortes de forces, puis il y a toutes sortes d'affaires, puis là tout d'un coup, hop, là, je me ramasse, j'ai de l'opposition. Puis là, je parle même en privé, là. Je parle de la messagerie privée, là. Il y a l'adresse courriel que j'avais, là, au nom de Berthold, là, ça fait des mois que je suis pas allé. Puis, bon, je m'en excuse, là, mais c'est pas, j'ai pas le temps. Puis là, à chaque fois que j'y allais, des fois, j'avais 175 courriels à répondre. Puis là, je me mets à répondre à un. Je finis, je réponds à tout le monde. Puis je peux passer comme ça 8 heures à répondre. J'ai décidé de prendre un break. Puis bon, c'est sûr que si vous m'avez écrit sur cette adresse-là, ça se peut, il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas répondu. Comme je vous dis, ça fait des mois et des mois que je suis pas allé. Comme là, comme je disais, je voulais répondre aux commentaires, mais j'ai pas le temps. Puis j'ai un paquet d'affaires à faire, c'est le printemps, puis bon. Puis bon, entre autres, là. Mais moi, je vous le dis, ce qu'on peut voir de l'actualité en ce moment, puis dans le fond, c'est pas parce que la pandémie est finie que la guerre psychologique est finie. Ça fait depuis que la Deuxième Guerre mondiale est finie que c'est commencé, puis ça a jamais arrêté. Puis ça continue. Puis c'est en tant qu'individu, si vous restez en santé physique, mentale, financière, vous restez solide puis droit dans vos affaires, vous allez passer à travers. Vous allez passer à travers. C'est des eugénistes, c'est des darwinistes sociaux, puis c'est des mécanismes de sélection de purge par sélection autorégulée, ce qu'ils font. Donc, si vous restez droit dans vos bottes, puis que vous embarquez pas, que vous vous laissez pas, parce que oui, c'est des leurres. Il y a ces débats-là qui sont des faux débats. C'est une façon de détourner l'énergie, carrément. Mais, comme vous voyez, là, notre ésotériste du Nouveau Monde, là, c'est rien que Raël. Il parle rien que de Raël, puis sous le tas du monde lié à Raël. Puis bon, comme là, dernièrement, il dit, oh, je vais recevoir un rabbin. Je dis, oh, oui, je me dis, voyons donc. Ah, oh, oui, il va recevoir un rabbin. J'étais surpris. Après, quand j'ai vu l'invité, je dis, c'est pas un rabbin, ça. Hein? Je les aime pas toutes, mais il y en a qui sont allumées. Si vous voulez écouter des vrais rabbins, il y a Rav Ben Chitrit, il y a l'autre, c'est tout ça son nom, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, il y a le Rav Dinovitz qui est comique. Puis il y a Rav Ronchayout, un peu moins comique, mais des fois, il en sort des drôles. Ouais, si vous voulez voir c'est quoi un rabbin, là, je suis pas en train de vous dire de vous en aller dans le judaïsme, au contraire. Mais l'affaire, c'est que, bon, on nous présente des choses, puis c'est pas ça. C'était le bonhomme qui a passé, là. C'est un raélien. Puis, un rabbin raélien, c'est comme un peu un oxymore, là. Ça se peut pas, là. En tout cas, à mes yeux. Hein? Parce que une des mitzvot, c'est de poursuivre un faux prophète. Puis, c'est connu depuis des millénaires les façons de les reconnaître. Donc, ce gars-là, c'est pas un rabbin. Sinon, ça je veux dire, c'est la base. Hein? Bon, ça va faire, là. Je vais encore me mettre dans le trouble. Bonne journée.